Scène 6. Les mêmes. Entre un ours. Oh, monsieur y des finances. Oh, ben tiens, ben regardez dans le petit toutou. Il est gentil, ma foi. Prenez garde. Oh, quel énorme ours. Mes cartouches. Un ours? Oh, l'atroce bête. Oh, pauvre homme, me voilà mangé. Que Dieu me protège. Eh, il vient sur moi. Ah, il vient sur moi. Ah non, c'est Cotis qui l'attrape. Ah, je respire. L'ours se jette sur Cotis. Pile l'attaque à coups de couteau. Ubu se réfugie sur un rocher. À moi, Pile, à moi, au secours, monsieur Ubu. Bernic, débrouille-toi, mon ami. Hein. Pour le moment, nous faisons notre paternoster. Chacun son tour d'être mangé. Je l'ai, je le tiens. Ferme, ami, il commence à me lâcher. Sanctificetur nomen tuum. Lâche, bougre. Oh, il me mord. Oh Seigneur, sauvez-nous, je suis mort. Fiat voluntas tua. Oh, j'ai réussi à le blesser. Hurrah, il perd son sang. Au milieu des cris des palotins, l'ours beugle de douleur et Ubu continue à marmotter. Tiens-le ferme, que j'attrape mon coup de poing explosif. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. L'as-tu enfin ? Je n'en peux plus.